Salut, salut, tu vas bien? Okay. Mon amour, tu t'es plus qu'une ombre, oh reviens. Cette bonne nouvelle, si plus tu peux sais, je te pardonne. Again.